إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله استعدوا ليوم موتكم ولقاء ربكم فإنكم عن قريب راحلون وعلى الدار الآخرة مقبلون وإن مما يجب الإيمان به الإيمان بأول منازل الآخرة فإن كان قبره روضة من رياض الجنة كان ما بعده أحسن منه وإن كان حفرة من حفر النيران كان ما بعده أشر منه وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث طويل فيه بيان فتنة القبر ونعيمه وعذابه فقد رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي وغيرهم وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في الأرض أي يضرب في الأرض فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثا فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة ثم قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أو من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأنهم وجوههم الشمس معاهم كفن من أكفان الجنة وحنوت من حنوت الجنة أي من طيب الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس المطمئنة وفي رواية الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانه جعلنا الله وإياكم من أهلها قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فاء السقاء فيأخذها وفي رواية حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وفتحت له أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرجوا بروحه أن يعرج بروحه من قبلهم فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنود فذلك قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض قال فيسعدون بها فلا يمرون بها من الملائكة إلا وقالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه كانوا يسمونه في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى سماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربها حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل أكتب كتاب عبدي في عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون فيكتب كتابه في عليين ثم يقال أعيده إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فيرد إلى الأرض وتعاد روحه في جسده فإن يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين فيأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول دين الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما عملك فيقول قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقته فينتهي له فيقول من ربك ما دينك من نبيك وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فافرشه من الجنة وألبسه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره قال ويأتيه وفي رواية ويمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك أبشر برضوان من الله والجنات فيها نعيم مقيم هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له وأنت فبشرك الله بخير من أنت فوجهك الوجه الذي يجي بالخير فيقول أنا عملك الصالح فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله فجزاك الله خيرا ثم يفتح له باب من النار وباب من الجنة فيقال له هذا منزلك لو عصيت الله أبدلك الله به هذا فإذا رأى ما في الجنة قال ربي عجل قيام الساعة فيقال له أسكن جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين قال وإن العبد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن العبد الكافر وفي رواية الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المصوح من النار فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول فتقطع معه العروق والعصب فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وتغلق أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم فيأخذها ولم يدعها طرفة عين حتى يعلو ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيسعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيثة فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى سماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يليج الجمل في سم الخياط فيقول عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى ثم يقال أعيد عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده قال فإنه لا يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك فيقول لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول لا أدري فيقولان له فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه فيقال محمد فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون ذاك قال فيقال له لا دريت ولا تلوت فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا من النار فيأتيهم من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره ويأتيه وفي رواية يمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول وأنت بشرك الله بالشر من أنت فوجهك وجه الذي يجب الشر فيقول أنا عملك الخبيث فوالله ما علمت إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله فجزاك الله شرا ثم يقيد له أعمى أصم وأبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كانت غرابة فيضربه ضربة حتى يسير بها ترابا ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيسيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فروش النار فيقول ربي لا تقم الساعة هذا هو حل القبر وفتنته ونعيمه وعذابه فاستعدوا لهذا اليوم فكلنا سائرون إليه عباد الله لقد ورد في النصوص الشرعية كثير من الأسباب التي تكون سببا من أسباب عذاب القبر، فيجب اجتنابها والابتعاد عنها. من ذلك وأعظم الذنوب وهو الشرك بالله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك مما ورد في السنة عدم الاستبراء والتنزه من البول والمشي بين الناس بالنميمة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما كان لا يستتير من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عامة عذاب القبر من البول فتنزه منه. أخرجه الدارقطني وصححه الألباني. وفي حديث سمورة بن جندب في صحيح البخاري ورد عذاب القبر بسبب الكذب وبسبب الربا وهجر القرآن بعد تعلمه والنوم على الصلاة المكتوبة وأكل الربا والزنا، وكذلك الإفطار في رمضان من غير عذر وإسبال الثياب وتطويلها خيلاء والسرقة من الحجاج وحبس الحيوان وتعذيبه وعدم رحمته. عباد الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستعاذة من عذاب القبر. ومن السنن أن تقول بعد التشهد الأخير ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحي والممات، ومن شر المسيح الدجال. عباد الله، أكثر من قراءة سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك، فإنها كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المانعة من عذاب القبر. اللهم اجعل قبورنا وقبور آبائنا وأمهاتنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، استغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين، أما بعد. Au serviteur d'Allah, craignez Allah comme il se doit. Et sachez et rappelez-vous que personne ne peut fuir d'Allah Azza wa Jal. Et qu'Allah Azza wa Jal nous observe constamment, où que l'on soit. Et rappelez-vous le jour de votre mort. Préparez-vous au jour de votre mort et au jour de la rencontre de votre Seigneur. Car très prochainement, l'un d'entre nous va partir vers l'au-delà sera sa destinée. Il faut que l'on se rappelle de cela. On n'est pas ici éternellement. Où nous faisons comme ceux qui ont oublié Allah, si bien qu'Allah Azza wa Jal a fait qu'ils ont oublié de se rappeler d'Allah Azza wa Jal. Rappelez-vous que on va tous mourir. Et que l'un d'entre nous va mourir et sa destination sera vers l'au-delà. Et ce qui incombe de croire, c'est la foi de la première étape de l'au-delà. Celui dont sa tombe est un jardin d'un des jardins du paradis, alors ce qui viendra après sera meilleur. Tandis que celui dont sa tombe sera un trou parmi les trous de l'enfer, ce qui suivra sera pire. Il a été rapporté authentiquement par Al-Bara ibn Azib, qu'Allah soit satisfait de lui, ce long hadith de l'envoyé d'Allah Azza wa Jal. Sallallahu alayhi wa sallam. Nous sortîmes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'enterrement d'un homme parmi les Ansar. Nous nous arrêtâmes à la tombe. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'était assis en direction de la Qibla et nous nous asseyâmes autour de lui, comme si que les oiseaux étaient sur nos têtes. Et cette image-là, c'est pour indiquer que personne ne bougeait. Et l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait un bâton dans sa main avec lequel il tapait sur le sol, sur la terre. Puis il s'est mis à regarder vers le ciel, puis vers la terre, en levant et baissant trois fois les yeux. Puis il s'est mis à dire deux ou trois fois, « Recherchez refuge auprès d'Allah du châtiment de la tombe. » Puis il dit trois fois, « Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi du châtiment de la tombe. » Puis il dit, « Lorsque le serviteur croyant quitte le monde d'ici-bas pour l'au-delà, des anges au visage clair, tel le soleil, blanc, tel le soleil, descendent du ciel, avec un linceul faisant partie du paradis, imprégné du parfum du paradis, et s'asseyant proche de lui. Puis arrive l'ange de la mort, qui s'assoit auprès de sa tête, lui disant, « Ô toi, âme apaisée, sors pour un pardon et satisfaction d'Allah. » Alors cette âme sort d'une facilité telle que sort la goutte de la bouche d'une autre. Qu'Allah fasse que nos âmes soient de celle-ci. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit qu'alors l'ange de la mort la récupère. Et dans une narration, lorsque son âme sort, tous les anges entre les cieux et la terre la saluent, et que les portes des cieux s'ouvrent pour cette âme. Et chaque ange invoque Allah afin de la remonter aux cieux lui-même. Et lorsque, yani chaque ange invoque Allah Azza wa Jal pour que ce soit lui qui emporte cette âme vers les cieux. Et lorsqu'il la récupère, il ne la lâche pas, puis la met dans ce linceul et ce parfum du paradis. D'où la parole d'Allah le Très-Haut, nos messagers, dans la traduction au sens du verset, nos messagers, les anges, enlèvent son âme sans aucune négligence. Cette âme sort donc de ce linceul du paradis et de ce parfum, avec la meilleure odeur de mis que l'on peut trouver sur terre. Puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, les anges remontent avec cette âme vers les cieux, et à chaque fois qu'ils passent à côté d'autres anges, ceux-là disent, quelle est donc cette bonne âme? Alors ils répondent en disant, c'est un tel fils d'un tel, en le dénommant de par les meilleurs de ses noms, dont il se faisait appeler dans la vie d'ici-bas. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au ciel de la vie, afin que les portes des cieux s'ouvrent. Puis il aurait ouvert, la remontant ainsi jusqu'au septième ciel. Allah le Très-Haut dit alors, « Inscrivez le livre de mon serviteur dans Al-Aliyin. Et qui te dira ce qu'est Al-Aliyoun ? Un livre cacheté dont en témoignent les rapprochés d'Allah, les anges. » La traduction au sens du verset. Puis il sera dit, « Ramenez mon serviteur dans la terre, car je leur ai promis que de cette terre je les ai créés, et c'est dans cette terre que je les retournerai, et de cette terre je les sortirai une autre fois. » Donc l'âme sera remise dans son corps, et il entendra les pas de ses amis quitter l'endroit. Alors arrivent deux anges imposants, lui posant comme question, « Qui est ton Seigneur ?» Il répond, « Mon Seigneur, c'est Allah. » « Quelle est ta religion ?» Il répond, « Ma religion, c'est l'islam. » Puis ils demandèrent, « Que dis-tu de cet homme qui a été envoyé parmi vous ?» Il répond en disant, « C'est Muhammad le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Comment l'as-tu su ? Comment l'as-tu su ? Et qu'as-tu fait ?» Il répond en disant, « J'ai lu le livre d'Allah et j'ai cru en lui et j'y ai adhéré. » D'où la parole d'Allah le Très-Haut, dans la traduction du sens du verset, « Allah affermit les croyants d'une parole ferme, dans la vie présente et dans l'au-delà. » Allah Azza wa Jal raffermit les croyants d'une parole ferme, dans la vie présente et dans l'au-delà. « Comment l'avez-vous su ? J'ai lu le livre d'Allah et j'y ai adhéré. » Qu'en est-il de ceux qui ne lisent pas le livre d'Allah ? Et de ceux qui n'adhèrent pas aux principes de l'islam. Donc se dire musulman de par la bouche, n'importe qui peut se prétendre être n'importe qui. Mais ce qu'il y a, c'est la soumission à Allah Azza wa Jal. J'ai lu le livre d'Allah, j'y ai cru et j'y ai adhéré. Alors Allah Azza wa Jal raffermit sa parole dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Puis apparaîtra un homme de bonne apparence et de bonne odeur, lui informant qu'il représente ses bonnes actions, lui disant « Tu t'empressais à obéir à Allah et tu étais lent, yani tu évitais la désobéissance à Allah. Ceci est le jour qui t'était promis. Puis il sera ouvert deux portes dans sa tombe, une montrant l'enfer et une montrant le paradis. Et il lui sera dit, en lui montrant la porte de l'enfer, « Voici ta place si tu aurais désobéi à Allah. » Voici ta place si tu aurais désobéi à Allah Azza wa Jal. Mais Allah Azza wa Jal te l'a changé par une autre en lui montrant la porte du paradis. Et lorsque il verra tous les biens qu'il y a dans le paradis, il demandera à Allah qu'il fasse que le jour de la résurrection arrive le plus vite possible. Et il lui sera dit, reste en paix. Qu'Allah fasse qu'on le soit de cela. Amin. Tandis que lorsque le mécréant, et dans une autre narration, celui qui se rebelle contre Allah, lorsqu'il est sur le point de quitter ce bas monde, des anges au visage sombre descendent avec eux un tissu provenant de l'enfer et s'assoient à sa portée. Puis arrive l'ange de la mort, lui disant « Ô mauvaise âme, sors pour la colère d'Allah !» Mais l'âme fuit dans tout le corps. Alors elle est arrachée avec dureté. Comme lorsqu'elle est arrachée, lorsque l'image qui a été donnée, c'est le souffle, le coton qui est mouillé et puis on essaie d'arracher une chose de dedans. C'est-à-dire avec dureté, c'est arraché. Donc chaque ange entre les cieux et la terre maudisse cette âme-là. Et chaque ange invoque Allah Azza wa Jal pour ne pas être celui qui emmène cette âme vers les cieux. Puis ils mettent cette âme dans ce tissu provenant de l'enfer qui ressort avec l'odeur la plus répugnante que l'on peut trouver sur terre. Les anges remontent avec cette âme vers les cieux. Chaque ange disant « Quelle est cette âme mauvaise ?» Ils répondent « C'est un tel fils d'un tel » en le dénommant par les plus mauvais noms qu'il avait dans cette vie d'ici-bas. Puis arrivé au ciel de la vie, d'ici-bas, les portes des cieux ne s'ouvrent pas pour cette âme. Puis l'envoyé d'Allah Azza wa Jal, wa sallallahu alayhi wa sallam, récita alors « Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront pas au paradis que lorsque le chameau pénètre dans le chat de l'aiguille. » C'est-à-dire le petit trou là, lorsque, vous voyez dans l'aiguille le petit trou pour faire entrer le fil. « Lorsque le chameau rentre dans ce petit trou-là, alors ils pourront rentrer au paradis. Ainsi rétribuons-nous les criminels. Puis cette âme sera jetée jusqu'à ce qu'elle retourne dans son corps. Puis l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récita, en traduction du sens du verset, « Quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Puis, il n'entend pas ses compagnons quitter l'endroit de sa tombe et lui arrive deux anges le questionnant, lui disant « Qui est ton Seigneur ?» Il répondant « je ne sais pas. Quelle est ta religion ?» « je ne sais pas. Quel est cet homme qui a été envoyé parmi vous ?» Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dira « J'ai entendu les gens dire comme cela. » Que va-t-il dire ?« J'ai lu le livre d'Allah, j'y ai adhéré et je m'en suis écarté. » Comment tu vis dans ta vie d'ici-bas? Tu vis en tant que musulman ou tu veux ressembler aux non-musulmans? À toi de te poser cette question. Comment tu veux vivre? Es-tu sincère envers Allah Azza wa Jal? Te dis-tu que tu vas rencontrer ton Seigneur? Que tu te feras juger pour tes actions? Ou bien vis-tu et te fais-tu influencer par ceux qui te disent « Vis ta vie, plus tard ». Les gens meurent, subhanallah, et ne s'attendaient pas à mourir à cet âge-là. Qu'Allah nous guide. Amin. Puis cette âme sera jetée, puis lui apparaît un homme de très mauvaise apparence, et de très mauvaise odeur, lui disant qu'il représente ses mauvaises œuvres. Puis une porte de l'enfer vers l'enfer lui sera ouverte pour lui montrer sa place. Puis il avait une énorme chose que lorsque s'il la frapperait une montagne, ça la rendrait en poussière. Et il se mit à le frapper, le rendant en poussière. Et Allah Azza wa Jal recrée cet individu. Puis il le refrappe d'une puissance énorme, qu'il se met à faire un cri que toutes les créatures entendent ce cri, excepté Thaqalayn, ça veut dire les djinns et les humains. Donc serviteur d'Allah, voyez ce qui se passe dans la tombe. Et ne soyez pas de ceux qui oublient Allah Azza wa Jal, ou de ceux qui ont encore le temps de vivre. Nul d'entre nous ne sait quand est-ce qu'il va mourir. Seul Allah Azza wa Jal le sait. Et il a été rapporté dans les narrations authentiques, de nombreuses narrations dont que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué ce qui peut nous faciliter le fait d'échapper au châtiment de la tombe par la permission d'Allah Azza wa Jal. Et donc la personne elle essaie de les éviter, car tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, que la personne goûtera au châtiment de la tombe si elle commet ces péchés-là. Le premier et le pire des péchés, c'est d'associer à Allah Azza wa Jal. Invoquer autre qu'Allah ou égorger pour autre qu'Allah ou s'en remettre à autre qu'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'on parle de shirk, de polythéisme, ça inclut aussi le polythéisme mineur, c'est-à-dire le musulman qui fait une chose pour autre qu'Allah. Il ne la fait pas sincère pour Allah, il la fait pour autre qu'Allah. Ou il veut que les gens disent de lui tout ce qui rentre dans l'ostentation. Mais il y a aussi ce qui est rapporté par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne fait pas attention à ce que son urine, il y en a par exemple qui urinent et qui laissent des gouttes dans leurs vêtements. Ceux-là connaîtront le châtiment de la tombe. Voyez donc, subhanallah, si seulement l'urine, hein, le fait qu'il y ait des gouttes d'urine dans les vêtements, la personne goûtera au châtiment de la tombe, qu'en est-il de celui qui délaisse la prière complètement? Et il y a aussi le fait de pratiquer la némime, mettre des frères en conflit, aller voir un tel, lui dire un tel il t'a dit ça, aller voir l'autre, un tel il t'a dit ça, pour essayer de les mettre en conflit, celui-ci goûtera au châtiment de la tombe. Ainsi que celui qui pratique l'isbel. L'isbel c'est quoi? C'est le fait de laisser ses vêtements descendre sous ses chevilles. Donc celui qui laisse ses vêtements descendre sous ses chevilles délibérément, celui-ci goûtera au châtiment de la tombe. Et celui qui laisse ses vêtements descendre sous ses chevilles par orgueil, ça c'est encore pire, goûtera au châtiment de la tombe. Et il y a aussi le fait d'avoir délaissé le Coran après l'avoir appris et de s'en écarter et de ne plus revenir à l'étude du Coran. Cette personne-là aussi goûtera au châtiment de la tombe. Il y a aussi ceux qui mangent l'intérêt et ceux qui prennent de l'intérêt et ceux qui utilisent l'intérêt. Quand vous entendez aujourd'hui ces prédicateurs aux portes de l'enfer rendant licite l'intérêt bancaire, eh bien voyez, vous faites ça, la personne est sous la menace de goûter au châtiment de la tombe. Ainsi que ceux qui mangent délibérément pendant le mois de Ramadan, le mois de jeûne qui est obligatoire, ceux qui mangent délibérément pendant le mois de Ramadan sans aucune excuse légiférée, ceux-là goûteront au châtiment de la tombe. Ainsi que ceux qui volent, hein, ceux qui volent, ceux qui font le pèlerinage. Ainsi que ceux qui enferment les animaux et les torturent et les maltraitent. Donc on demande à Allah Azza wa Jal de nous guider et de nous raffermir sur la voie prophétique. Allahumma inna na'udhu bika min azab al-qabr. Allahumma inna na'udhu bika min azab al-qabr. Allahumma inna na'udhu bika min azab al-qabr. اللهم ثبت على ثبتنا على التوحيد في المحيا والممات اللهم توفنا على لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحم موتانا الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله